Avant d'aller dans le vivre ensemble, peut-être revenir brièvement sur la manif en fin de semaine, pro-palestinienne. Bon, aucun problème avec les manifs en passant. Là, pro-palestinienne, dénoncer de part et d'autre les abus, quels qu'ils soient, et les morts de civils qui sont à lever le cœur. Les images de part et d'autre. Un peu tanné de voir des enfants morts. Ouais. Moi, je suis un peu tanné. Mais de voir, par exemple, puis on peut écouter un extrait, une madame qui arrive. Là, vous allez entendre l'extrait. Là, ce que vous entendez, ce sont des cris d'une foule faisant suite à l'apparition d'une madame qui a juste un petit drapeau d'Israël, mais qui vient tout bonnement sans provoquer. Elle va dans une manif pro-palestinienne avec plusieurs qui sont pro-Hamas et anti-Israël. On écoute ce que ça donne. Ça s'est passé en fin de semaine à Montréal. La madame s'est fait tabasser, c'est peut-être tabasser. Un peu exagéré. Ah non, mais moi, j'ai vu était par terre, j'ai vu des coups de pied, là, puis des... Oui. Il y a quelqu'un qui a tenté de donner un coup de pied, l'autre l'a traîné parce qu'on voulait y arracher son drapeau, oui, puis l'ont traîné. Exact. Mais moi, j'ai vu une madame arriver, deux, trois bons coups de pied. Ah, mais rapidement, quand même, je vais le dire, là, les gens l'ont tassé. On dit OK, c'est correct, là, on commencera pas à... On verra pas ça en guerre ici même. Là. C'est une manif assez pacifique. Trois ordinaire. C'est ordinaire. En même temps, moi, le commentaire que j'avais un matin, tu le sais que c'est une manif pro-Palestine, tu le sais que le sujet est chaud. C'est-tu nécessaire de te pointer là qu'un drapeau d'Israël? C'est la seule réflexion. Là. Mais elle arrive pas avec un gros drapeau d'Israël et le passer d'en face je comprends. De gens d'Algérie et du Maroc. Là. Elle arrive avec un drapeau. Mais je comprends. C'est peut-être pas ta place. Ça aurait été bien surprenant qu'elle se fasse inviter à souper. C'est ça. Tu ne magasinais pas des amitiés. Là. Mais c'est de ça. Là, à la tabasser parce qu'elle fait crier des oreilles. On est d'accord. Tu sais, y a-tu une marge? Est-ce qu'on peut, je sais pas, se respecter plus que ça? Vice-versa, de part et d'autre, là. Ouais. Tu sais, ça se passe à Montréal. Parce qu'il faut bien vivre ensemble! Vivre ensemble. Together. Tout le monde ensemble. h 50, on s'en va rejoindre tout de suite de Point de Bascule, Marc Lebuis. Allô Marc, ça va bien? Bonjour Dominique, bonjour Jean-Claude. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Et déjà, les courriels, ça doit commencer à rentrer. Là, Israël, encore une fois, tu vas parler un sioniste et tout. Est-ce que tu es un sioniste, Marc? Est-ce que tu es un sioniste? Parce que là, les gens, à chaque fois que j'ouvre la bouche là-dessus, là, ils disent que tous ceux à qui je parle, ce sont des méchants sionistes. Premièrement, il faut savoir c'est quoi un sioniste. Ben, c'est ça, il faudrait leur poser la question. Je vais répéter ce que quelqu'un m'a déjà dit. S'il y a des gens qui souhaitent l'indépendance du Québec, le nationalisme québécois, et qui sont contre le sionisme, ça en est presque une contradiction. Alors même René Lévesque a déjà aspiré à avoir un foyer... Un foyer national. Qui soit le foyer international des Canadiens français. Alors, il faudrait peut-être que les gens... prennent la peine de lire un petit peu plus sur l'histoire d'Israël, peut-être la prennent aussi d'un peu plus de comprendre la définition de ces termes-là. Et souvent, maintenant, à cause que les gens ne comprennent pas ça, le mot sioniste est interchangeable avec le mot juif. Et on essaie de dire qu'on n'a pas dit les juifs, on essaie de dire que les sionistes, c'est pas des juifs, etc., etc. Alors, ce qui est le plus important, c'est que moi, je crois qu'Israël est un État qui a fait partie d'une époque où plusieurs pays au monde ont été partitionnés. On pense au Pakistan, on pense à la Jordanie, qui est aussi une partition. Comment ça se fait qu'Israël n'a pas le droit, lui, comme entité, n'a pas le droit, lui, de se partitionner, puis que tous les autres n'ont pas dit un mot sur leur propre partition? Un petit pays démocratique entouré de 300 millions de musulmans. Absolument. Qui veulent ça, une veulent expérience démocratique qui fonctionne parfaitement, puis c'est un pays qui, quand on regarde surtout les médias au Québec, qui semble ne pas avoir le droit de se défendre. Avec des islamistes au Parlement, hein? Des islamistes, carrément. Et avec 20% de Palestiniens. Il y a eu un membre musulman qui a fait partie de la Knesset, qui, aux frais d'Israël, voyageait à travers le monde pour cracher contre Israël. Et dans la population d'Israël, 17%, ce sont des Palestiniens. On ne le dit pas, là. Et parmi ces gens-là, l'autre détail qui est important à mentionner, Parmi les non-juifs qui sont israéliens, il y en a beaucoup qui font partie de brigades de l'armée israélienne, qui connaissent très bien leurs voisins et les pays qu'ils ont quittés, et qui sont des soldats absolument loyaux, qui croient réellement aux droits et aux libertés qu'ils jouissent en Israël. Ils font juste à regarder l'autre côté de la frontière, ils savent très bien c'est quoi qu'ils ont. Là, tu es avec nous ce matin pour nous faire un petit Hamas 101, parce que les gens manifestent, les gens se prononcent, les gens veulent comprendre, tout simplement. Je pense que la majorité d'entre nous, on veut comprendre ce qui se passe de part et d'autre. Puis c'est pas de prendre pour l'un ou pour l'autre. Je veux dire, c'est pas un sport, là. De part et d'autre, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ce matin, CNN annonçait la destruction de plusieurs tunnels opérés par le Hamas. Oui. Qu'est-ce que le Hamas? Comment ça a commencé? Qui a parti ça? Et comment ce parti-là a évolué? Ce parti-là, que c'est devenu un parti, c'était pas un parti au préalable, mais c'est devenu un parti politique par la suite avec des élections à Gaza. Mais explique-nous, à l'origine, le Hamas, ça a été fondé par qui? Le Hamas, c'est un acronyme, ça veut dire Mouvement de résistance islamique. Alors, souvent, dans les médias, on oublie de rajouter le mot islamique. Il y a deux grands mouvements politiques en Palestine. Il y avait le Fatah. Et plus tard, il y a eu le Hamas qui est fondé, qui est arrivé à peu près en 1988. Et ce qui distingue le Fatah du Hamas, c'est deux mouvements anti-israéliens, il faut bien le mentionner. Il y en a un qui est un mouvement plutôt laïque, mais le Hamas, c'est carrément un mouvement qui est issu des frères musulmans. C'est un mouvement aussi islamiste, un mouvement religieux qui croit au djihad armé. Et donc, le Fatah, probablement qu'au Québec, quand on écoute les gens qui défendent la Palestine, on a l'impression qu'on parle encore de mouvement politique. Mais on dirait que les gens ne semblent pas comprendre c'est quoi le Hamas et c'est quoi qui est l'enjeu derrière. Donc, la chronique veut dire mouvement de résistance islamique. 1988, suite à la fondation du mouvement par un homme qui s'appelle le Cheikh Yassine, et plusieurs autres de ses noms. On l'appelait le Cheikh aveugle. Et Cheikh Yassine, c'était un membre des Frères musulmans. C'est quelqu'un qui a organisé les Frères musulmans en Palestine. Et c'est quelqu'un qui a décidé qu'il y en avait assez des négociations avec Israël. Et qui va partir une organisation qui va être plus musclée, qui va dealer, qui va aussi prendre, qui va aussi justifier la violence pour y arriver. Donc, en rupture avec Arafat et ses confrères. Oui, non seulement en rupture avec Arafat, il y a quelques années seulement, quand le Hamas a été élu, on répète bien des fois comment la démocratie peut être extrêmement dangereuse et peut permettre à des tyrans de rentrer au pouvoir, les gens ont voté pour le Hamas parce que le Fatah était perçu comme étant une organisation corrompue. Alors, le Hamas rentre au pouvoir et il y a une lutte sanglante entre le Fatah et le Hamas. Et c'est une lutte, là, on parle de torture. On parle de gens qui sont tirés dans les jambes, des gens qui sont torturés dans des sous-sols de mosquées aussi. Partout, il y a eu des salles de torture. À Gaza, on voulait épurer, pas avoir une goutte de Fatah dans le décor. On voulait que ça soit complètement contrôlé par le Hamas. Donc, Gaza, maintenant, est un territoire contrôlé par le Hamas. Et le reste du territoire palestinien, par la capitale de Ramallah, est contrôlé par le Fatah, qui est une organisation, je répète, là, qui est l'organisation laïque. Comment comprendre que Mahmoud Abbas fait la tournée actuellement pour tenter d'aller chercher l'appui de certaines diplomaties de certains pays? Faut comprendre qu'il y a une lutte politique entre le Hamas et le Fatah encore, même s'ils font partie d'un actuellement de gouvernement d'unité. Si en surface, les Palestiniens semblent faire front commun, il y a encore une lutte politique qui se dessine. Oui, mais est-ce qu'on peut s'entendre sur une affaire? C'est que on peut s'entendre que depuis le printemps arabe, ça brasse beaucoup au Moyen-Orient et les luttes de pouvoir sont en constante mutation, c'est-à-dire le rôle de l'Iran avec la Syrie. Alors que le Hamas était basé, un des sièges sociaux du Hamas était basé en Syrie. Les Iraniens qui finançaient le Hamas, qui ont arrêté de financer, qui refinancent encore, semble-t-il, parce que les missiles qui sont lancés de Gaza vers Israël, ils proviendraient de l'Iran. Alors, il y a toutes sortes de complications de ce côté-là. Donc, moi, je pense que Hamas, il est tout simplement en train de rejouer ses cartes. Les États-Unis sont faibles. Il y a toujours, il y a des nouveaux joueurs. La Russie est dans le décor. L'Arabie Saoudite rejoue ses cartes. Le Qatar aussi. Le Qatar qui loge, je pense bien qu'encore, le leader des frères musulmans, là, je dirais, le leader qui fait partie de ce qu'on appelle un conseil des frères du Hamas, est basé au Qatar, comme on considère le Qatar comme étant le siège international des frères musulmans. Donc, c'est difficile à répondre à cette question-là. Moi, je pense que c'est tout simplement un jeu de domino, une remise en position, une remise en contexte, puis c'est un pouvoir de force, puis on va voir les choses se développer encore, et probablement, les gens vont percevoir des contradictions. Mais ce qui est important, c'est que le Hamas a une charte. Et le Hamas ne cherche pas seulement à éliminer Israël. Le Hamas... dernièrement, donc dans la charte, là, il y a 3-4 articles qui sont très, très révélateurs. Et on a eu des débats sur des chartes, là, comment que les gens trouvent c'est important des chartes, c'est pareil comme des constitutions des chartes. Mais cette constitution-là n'a jamais été modifiée, changée, ou quoi que ce soit depuis sa fondation en 88. On vise spécifiquement à tuer les Juifs. On ne parle pas des sionistes dans la charte. On parle de sionistes, mais on vise spécifiquement des Juifs. On cite des écritures pour dire que Allah va révéler où est le juif derrière la roche qui va permettre aux musulmans d'aller le tuer. On parle aussi dans l'article 2 de la charte que c'est le Hamas émerge. C'est eux-mêmes qui disent ça. Le mouvement de résistance islamique est l'une des ailes des frères musulmans. Le mouvement des frères musulmans est une organisation mondiale, le plus grand mouvement islamique, la compréhension de l'islam et ce qu'ils veulent. C'est la politique, l'économie, l'éducation, la société, la jurisprudence, tout ça soit en place. Après ça, dans l'article 7, on parle de djihad, on vise, on parle des brigades, on parle des antécédents des attaques contre Israël depuis 1936, parce qu'il y avait des Juifs avant la fondation d'Israël. Il y a eu des massacres à ce moment-là aussi. 1948, le père de Tariq Ramadan qui menait une brigade pour aller sauver Jérusalem, lorsqu'il y a eu les combats en 1968. Là, donc, on parle de tous les mouvements. Et le slogan du Hamas, c'est le même slogan que celui des frères musulmans. Allah est son objectif, le prophète son modèle, le Coran sa constitution, le djihad son chemin, la mort pour la cause d'Allah, sa plus haute croyance et sa croyance moi, la plus sublime. Moi, Marc, je suis renversé de voir, comme on l'a vu en fin de semaine, les gens de Québec solidaire, Françoise David, qui dit une grande féministe, tout ça, venir... puis elle a dit pas ouvertement, soyons honnêtes, là, elle dit pas vive le Hamas, c'est pas ça qu'elle dit, elle a jamais dit ça, mais dans l'approche, tu sais, Manon Massé est allé par exemple à Gaza il y a 3 ans, dans l'approche, c'est une approche pro-Gaza, donc pro-Hamas, c'est pas la simple défense de l'œuvre, de la veuve et de l'orphelin, là. C'est on un statement pro-Hamas. Si est-ce que tu as ce sentiment-là de ton côté? Que de facto, pas nécessairement ouvertement, de manière claire, mais dans les faits, Québec solidaire est pro-Hamas? Oui, d'une façon, en fait, quasi directe. D'une façon quasi directe. Et c'est très particulier parce que ce sont des féministes, mais de l'autre côté, puis je vais te donner des exemples puis qui sont dans la presse internationale, de bonnes sources. Agence France-Presse, 2 avril 2013, Gaza qui... met fin aux écoles mixtes à Gaza. Oui. Je te donne un autre exemple. Je t'en donne un ou deux à la volée comme ça, Marc. Le 4 mars 2010, Associated Press dans The Guardian en Angleterre. Le Hamas interdit aux hommes de travailler dans les salons de coiffeur pour femmes et vice-versa. Absolument. Donc, veut instaurer la loi islamique de manière claire. Absolument. Aux 1,5 million de gens qui vivent à Gaza. Autre exemple, le 18 octobre 2009, dans The Guardian en Angleterre, le Hamas vient d'instaurer des patrouilles de plage, donc on les voit, ce sont des gardiens religieux. Exactement. À cheval qui sont là pour appliquer un code vestimentaire. Les filles en bikini, en costume de main, même une pièce, ils se font tabasser, se font tasser. Donc on veut carrément instaurer la charia à Gaza. Ça, ce sont des sources internationales. Mais vous avez le Québec solidaire de l'autre côté, qui se dit pour la libération de la femme, l'émancipation, etc., qui font des manifestations en faveur du Hamas. Je comprends rien là-dedans. Il y a une autre chose qui est importante. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire en passant? Oui, mes sources sont bonnes? Je veux dire, c'est la même affaire. Quand on a vu aussi les frères musulmans prennent le pouvoir en Égypte, la nature du Hamas s'est manifestée parce que les frères musulmans en Égypte ont aussi instauré des brigades du vice, comme en Arabie Saoudite, partout où les frères musulmans se sont installés. Une des premières affaires qu'ils font, c'est installer des brigades du vice. C'est dans le manifeste du fondateur des frères musulmans de dire qu'une des premières affaires qu'on fait, c'est qu'on remplace la constitution par la loi islamique et on instaure des brigades du vice pour aller contrôler qu'est-ce qu'ils vont porter. Et on va aller s'assurer que les hommes vont pas se mélanger avec les femmes, on va s'assurer dans la place publique. Et on a vu aussi ce qui arrive aux minorités, les minorités non musulmanes et les musulmans qui suivent pas l'islam des frères musulmans. C'est incroyable. On l'a vu, il y a même eu des crucifixions en Égypte. Les gens, c'est tellement anachronique que les gens veulent pas le croire. Et c'est arrivé, sous Morsi, c'est arrivé. Sous Morsi, un petit peu avant Morsi, les gens qui ont été crucifiés dans le sud de l'Égypte, surtout des chrétiens, mais il y avait aussi des noms des musulmans, c'était des gens qui étaient contre les frères musulmans. Et faut rappeler en terminant, Marc, les islamiques en Irak sont en train de faire un nettoyage religieux. C'est dans tous les médias ce matin. Et plusieurs leaders du Hamas étaient des fans d'Osama Ben Laden. Trois points juste avant de finir. Oui. 2013, juillet 2013, le Hamas menace de lancer des attaques terroristes dans tous les pays où se trouvent les ambassades israéliennes. Là, on parle que le Hamas vise le Canada. 28 octobre 2011, un des fondateurs du Hamas déclare « Notre plan ne se limite pas à la libération de la Palestine. Notre plan vise à guérir tous les maux de la civilisation occidentale. Cette civilisation sera incapable de résister au grand et glorieux islam et son programme humanitaire. » Juin 2012, un responsable de l'Université islamique de Gaza encourage la conquête islamique de l'Espagne et du Vatican. Et après ça, quand Morsi s'est fait élire, celui qui l'a présenté lors d'une grosse conférence a déclaré que Jérusalem serait la capitale des États-Unis arabes, donc la capitale du futur califat qui va se mettre en place. Et le Hamas est financé à une très, très, très grande proportion par des organisations de bienfaisance ou de charité qui viennent de l'extérieur, principalement le Canada, les États-Unis. Même si le Canada a banni le Hamas et le considère comme un organisme terroriste. Non seulement, et Dominique, on en a souvent parlé à Morel Live, on a parlé d'au moins trois organisations. Une de ces organisations-là a non seulement s'est fait révoquer son statut d'organisation de bienfaisance, IRFAN, et maintenant, à cause de la charte, on n'a pas parlé d'une nouvelle aussi importante, mais IRFAN est maintenant sur la liste des organisations terroristes au Canada. Donc, non seulement c'est une organisation charitable qui s'est fait révoquer son statut, on l'a inscrite sur la liste des organisations terroristes pour avoir fourni des millions et des millions et des millions de dollars au Hamas. Ben, je te remercie beaucoup, Marc. Regarde, c'est éclairant. Malheureusement, dans la couverture angélique de la presse et de Radio-Canada, on voit pas ça. C'est plus les combattants de la liberté. Hein, ce sont les combattants de la liberté, Marc. Maudit que t'es pas fin. On n'est plus à l'époque de la guerre froide. Il y a des nouvelles configurations et je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'on est encore dans un monde communiste, monde libre, là, anti-américain. Et malheureusement, on n'a pas la vérité. On n'a pas une description réelle de ce qui se passe pour le vrai. Et on réalise pas le danger que ça représente, autant pour Israël que pour nous autres localement. Mais très rapidement, le Hamas gagne la bataille médiatique. Ça, je peux te le dire. Une chose... Il y a une bataille médiatique de relations publiques et le Hamas la gagne. En 2014, la bataille médiatique, actuellement, elle est gagnée par le Hamas. Absolument. Et j'ai une entrevue ici que j'ai sauvegardée de 2006, qui est une femme qui habite Gaza, qui dit sur les ondes de Radio France, je suis critique envers Israël. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens descendent dans la rue avec des gens qui portent le drapeau du Hamas. Je vais vous l'envoyer, on l'entend. Est-ce qu'il y a eu des drapeaux du Hamas à Montréal en fin de semaine? Est-ce que t'en as vu? C'était des manifestations en France, ouais, mais on en avait ici, à l'époque. À Montréal? La même chose, il y avait le Hezbollah, il y avait d'autres drapeaux de mouvements djihadistes. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que moi, ma famille, je ne peux pas rentrer en contact avec eux parce qu'ils sont pas pro-Hamas. Ils viennent dans notre building. Ils viennent lancer leurs roquettes à partir de notre building. Et les conséquences de tout ça, c'est que je ne sais pas comment les forces militaires israéliennes, s'ils vont, oui ou non, évidemment, ils visent d'où partent les missiles. Exact. Alors, je vais vous l'envoyer, l'entrevue. Moi, je pense que ça vaut la peine. Oui, je vais l'écouter. C'est très court. Merci beaucoup, Marc. Au revoir. Merci, au revoir. Marc Lebuis, du site Point de Bascule. Et la manif pour dénoncer les massacres d'islamistes en Irak, au centre-ville de Montréal, a été reportée ah oui, un autre jour. 11h08, et vous êtes d'abord à live.